C'est curieux, Alain va diriger une équipe de chercheurs en biologie, alors qu'Eric est un meilleur spécialiste de la question. Je ne comprends pas ce choix, même si je sais qu'Alain est assez compétent. N'oublie pas qu'après avoir passé sa thèse, Eric a quitté le laboratoire pour partir à l'étranger, alors qu'Alain est resté là malgré les difficultés. Le choix d'Alain est certainement destiné à récompenser sa fidélité. De plus, il a publié des articles très importants dans son domaine. En revanche, il n'a pas encore dirigé d'équipe. Ce sera sa première expérience. Tu as peut-être raison. À vrai dire, je ne suis pas spécialiste de la question. Et toi, que fais-tu de beau en ce moment ? Eh bien, je suis en pleine préparation d'un colloque en septembre. J'ai 3 articles à finir et 2 grosses expériences à conduire. Sans compter les tâches administratives.